Jamais une radio ne vous aura donné autant de plaisir. Everybody just scream! Ooh. Ooh. Damn, Skippy, I'm with it. Yo, check it out! Bonjour Gabriel Masséi, pour Stepline Radio, je suis avec le chargé de communication au Festival de la Nuit de l'Erdre. Tout d'abord, peux-tu te présenter aux auditeurs de Stepline et expliquer ton parcours personnel au sein du festival ? Alors donc oui, je suis chargé de communication du festival depuis maintenant presque 2 ans. Donc je suis arrivé comme dans toute structure, hein, tout simplement, en postulant, en rencontrant des gens, en se créant un réseau dans ce micro milieu des festivals où à peu près tout le monde se connaît. Et donc je suis arrivé ici pour démarrer l'édition 2016. Et donc depuis, c'est une aventure humaine assez incroyable comme dans n'importe quel festival, parce que c'est le milieu associatif, beaucoup de rencontres, une activité extrêmement prenante où généralement les gens vivent de leur passion. On est trop peu à avoir cette chance là, notamment parce que on est dans un milieu où beaucoup de gens sont bénévoles, on a forcément beaucoup de salariés, donc c'est une chance aussi de pouvoir vivre de sa passion. D'accord. Peux-tu présenter le festival de la Nuit de l'Erdre dans les traits généraux ? Oui, alors donc la Nuit de l'Erdre fête cette année sa 19e édition. Donc l'aventure a commencé en 98. Donc à l'époque, c'était une soirée qui était organisée par le comité des fêtes de Nord-sur-Erdre, qui souhaitait dynamiser un petit peu le territoire, proposer une soirée avec un concert seulement. Petit à petit, d'édition en édition, il y a de plus en plus de bénévoles qui ont rejoint la cause de l'association, qui ont voulu donner un coup de main, qui ont apporté leurs idées, leurs ambitions aussi, ce qui permet aujourd'hui au festival d'être sur 2 jours, d'avoir 16 concerts, 8 par jour, d'avoir 2 scènes et d'accueillir plus de 30 000 festivaliers depuis quelques années. D'accord. Et en quoi l'implantation géographique est-elle un atout ? Parce que je pense que c'est un atout pour ce festival. Alors oui, c'est vrai qu'on a la chance depuis 2006 d'être dans un site assez incroyable. C'est le site du parc du Port-Mulon, qui est bordé par un château magnifique, qui est longé par l'Erdre, qui est une des plus belles rivières de France. On est ensuite dans un site boisé, donc c'est vrai que c'est un cadre qui est vraiment attrayant. On a de la chance à ce niveau-là, qui permet aussi un remplissage à taille humaine. C'est un parc où forcément on est limité, parce que soit on est coupé par le château, soit par la rivière, soit par les arbres, donc forcément on peut pas trop pousser les murs, mais donc ça correspond à une jauge d'environ 16-17 000 personnes par soir en même temps sur le site, ce qui permet d'avoir un événement à taille humaine. On n'est pas sur des mastodontes, évidemment rien contre les mastodontes, mais d'autres plus grands festivals qui ont peut-être pas forcément cette dimension familiale et conviviale. Et comment est choisie la programmation de ce festival ? Alors, donc on travaille avec un programmateur dont c'est le métier, qui travaille toute l'année avec nous. Tout simplement, comment ça marche une festival ? On va essayer de faire ça simplement. Grosso modo, une programmation, ça se prévoit 1 an à l'avance. Enfin, ça commence en tout cas 1 an à l'avance. On va commencer à se documenter sur quelles sont les formations, les artistes qui vont tourner dans l'année à suivre. Et puis, on va se positionner, on va se dire nous on serait intéressé par un tel ou un tel, et on va faire des offres. Alors en fait, il y a les questions qui reviennent souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on fait pas Muse, pourquoi est-ce qu'on fait pas les Daft Punk, pourquoi on fait pas les Rolling Stones. Alors déjà, tout simplement parce que ces trois groupes sont plus chers que le budget global du festival, donc forcément ça marche beaucoup moins bien. Mais c'est aussi parce que on va avoir des groupes des fois qui ne sont pas en tournée. Tout simplement, une tournée, ça rime avec une promotion, donc généralement ça rime aussi avec une sortie d'album ou alors un album qui va paraître. Donc du coup, on est souvent limité aux artistes qui sont en tournée, donc on peut pas avoir n'importe qui. Et on peut aussi parfois ne pas avoir un groupe parce que il est à l'autre bout du monde le jour du festival, donc c'est un peu compliqué de l'avoir. Puis aussi parce que c'est un système aussi un peu d'appel d'offres, faire une programmation, et du coup parfois des plus grosses structures que nous mettre peut-être un peu plus de billets sur la table pour réussir à attirer un artiste. D'accord. Alors maintenant, on va parler un peu de votre travail. Comment gérez-vous l'aspect communication et promotion du festival La Nuit de l'Herbe ? Alors, donc toute l'année, on travaille sur la promotion du festival, soit un peu dans les coulisses, où on prépare, soit où on est ouvertement en pleine promotion, notamment sur l'aspect artistique. Le schéma, enfin, la saisonnalité est la même chaque année. On va avoir des périodes données, on va avoir la période où on va réaliser la charte graphique, on va avoir la période où on va engager de nombreux partenariats pour essayer de concevoir des collaborations avec des médias, avec des collectivités territoriales, avec des entreprises, pour voilà, essayer d'avoir des partenaires qui vont soutenir le festival, que ce soit sur l'aspect médiatique, l'aspect financier, l'aspect technique, l'aspect humain. Donc ça, c'est la période qui est plus hivernale. Après, pour notre cas en tout cas, qui sommes un festival de début d'été, on va avoir généralement le début de la programmation qui est annoncé en début d'année, donc en fin d'hiver. Et donc là, va démarrer une nouvelle phase, c'est la phase de promotion artistique, où vraiment on va mettre en avant... on va mettre en avant les artistes annoncés et on va beaucoup travailler sur la programmation en elle-même pour finaliser cette programmation. Une fois que toute la programmation est terminée, on va avoir une nouvelle phase qui est celle des relations presse. On va permettre aux journalistes d'effectuer des demandes d'accréditation, c'est-à-dire d'être présent le jour du festival afin de le couvrir médiatiquement. Après, on va avoir tout ce qui est finalisation. Donc, quand on arrive à l'approche du festival, donc ça va être du coup, par exemple, finaliser les différentes campagnes médiatiques et les campagnes publicitaires qui vont être avec de la radio, avec de la presse écrite, avec de la télévision. Et aussi travailler sur le dispositif mis en place pendant le festival, que ce soit au niveau de la signalétique, que ce soit au niveau du community management, que ce soit au niveau des relations presse toujours. Voilà, ça va être vraiment la finalisation de l'année de travail. Alors ensuite, on va parler de Twitter, Facebook et les autres réseaux sociaux. Sont-ils importants pour le développement du festival ? Ne pensez-vous pas qu'ils peuvent être aussi un danger lorsqu'on voit des messages un peu trop peut-être critique concernant par exemple le début de l'affiche, quand les gens s'aperçoivent, enfin les futurs festivaliers voient donc les différents artistes qui composeront l'année suivante. Déjà, on a bien conscience de toute façon qu'on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute pas. On sait apprendre avec des pincettes. On a bien conscience que les réseaux sociaux, c'est un outil formidable. C'est un média à part entière aujourd'hui, notamment Facebook. Donc on ne peut pas s'en passer. C'est juste pas possible. On essaye de concevoir un plan de communication cohérent tout le long de l'année. On se fait un rétro-planning de à telle période, il faut qu'on parle de telle chose, de manière à avoir une cohérence, une progression tout le long de l'année pour que la communication du festival soit fluide et attrayante auprès aussi des usagers des réseaux sociaux. Après voilà, pour tout ce qui est commentaire négatif, on prend un peu de recul, on se dit que d'une part, voilà, satisfaire tout le monde c'est compliqué. C'est plus facile de critiquer que de... Et aussi c'est plus facile de critiquer, un réseau social c'est toujours plus... Enfin, par définition, si on prend l'exemple de Facebook, quelqu'un qui est content va éventuellement liker, et encore c'est même pas sûr. Par contre, quelqu'un qui est mécontent va commenter direct. Oui. On l'a vu en 2016, avec certains accueils qu'on a pu avoir lors du festival. On a eu énormément de retours sur les réseaux sociaux parce que c'est un exutoire, c'est facile. Mmh. Cette année, en 2017, ça se passe beaucoup mieux. Mmh. On a des dispositifs qui ont été mis en place sur le site qui permettent vraiment de fluidifier énormément le site. Et tout de suite, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup moins de réactions. Ouais. Parce que tout simplement, on laisse en tout cas, il y a davantage de satisfaction. Mm-hmm. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un outil magnifique aux possibilités infinies dont on ne peut pas se passer et dont on ne veut pas se passer non plus, parce que c'est aussi communiquer avec une communauté à laquelle on tient, qui représente aussi le festival, qui est d'une fidélité certaine. Et du coup, c'est une partie du festival, c'est la majorité de cette communauté viendra le jour du festival. On y tient, on souhaite fidéliser ces personnes et on a la chance à Nord-sur-Erdre d'avoir un public qui a un taux de fidélité entre guillemets, donc, qui revient énormément d'année en année. On est plus élevé que la moyenne française et ça on en est très très fiers et on tient à garder. Et pour ça, c'est vrai qu'entretenir une communauté, une relation de confiance avec sa communauté sur les réseaux sociaux, c'est primordial. Oui, tout à fait. Bon, et pour finir, pour les auditeurs de Stéphane Radio, y a-t-il une anecdote que tu veux partager ? Oh, bah, une anecdote, peut-être. Un moment qu'on a vécu côté bénévole en 2012. Moi, je n'étais pas là à l'époque, mais j'en ai tellement entendu parler que je connais par cœur cette anecdote. C'était l'année où on avait Manu Chao qui est venu au festival. Et donc, Manu Chao était venu le samedi. Donc, le dimanche, c'était le jour où tous les bénévoles s'active pour démonter le site, et Manu Chao avec son équipe était revenu le dimanche pour passer du temps avec les bénévoles. Il était venu manger avec les équipes, rencontrer un petit peu les équipes, passer du temps avec eux pour les remercier, mais pour les connaître aussi. C'était un moment qui apparemment était hyper fusionnel, c'était vraiment super chouette. Et puis il avait fini par faire un tour en bateau sur l'herbe avec les membres de l'asso. Il avait adoré ce moment. Donc c'est vrai que c'est un souvenir qui a marqué beaucoup les bénévoles. C'est un grand monsieur et il sait le rendre aussi aux gens qui l'accueillent, et ça c'est vrai que c'est un moment apparemment très très très poignant. Et ben je remercie Gabriel Massey, donc, et on se retrouve bien sûr l'année prochaine, je l'espère, pour la 20e édition. Il y a peut-être des choses à dire sur la 20e édition déjà ? Oh ben écoutez, pour l'instant c'est encore un peu tôt. On va prendre le temps de faire le bilan de 2017, de voir ce qui a été, ce qui a moins été, et puis de corriger un petit peu s'il le faut, et d'améliorer si on peut aussi. Les infos de votre web radio du vignoble nantais sont sur www.stefline.com.